C'est vraiment avec grand plaisir que je reçois le coureur automobile Alex Labbé. Alex Labbé qui est rendu pas tellement loin de la grande chambre de la série NASCAR. Évidemment, il est rendu en série Infinity. Vous pouvez voir ses courses le samedi ou le vendredi soir, tout dépendant. Quoi qu'il en soit, on le rejoint à Phoenix où il est arrivé pour la course en fin de semaine. Salut Alex! Salut Danny, ça va? Ça va bien, ça va bien. Alex, on parle un peu de... Si on parlait un peu du rôle, qu'est-ce qui a changé un petit peu pour Alex Labbé de courir à tous les semaines, de courir à partir du mois de février et courir en série Pinty's qui commence normalement en mai? Ça doit tout être un changement, que ce soit sur l'acconditionnement physique, sur l'adaptation? Non, c'est sûr que c'est assez intense. Dans la série, dans la série, on a 33 courses. Et comme tu dis, on est en course de février à novembre. Donc, on n'a pas trop de rythme. Comme là, on part la saison avec 5 semaines collées, avec un voyage dans l'Ouest au travers de ça. Donc, on est occupé, mais c'est sûr que c'est en même temps, c'est comme un rêve de jeunesse. J'ai tout le temps voulu faire ça. Donc, c'est sûr que j'en profite au maximum. OK. Alex, t'es rendu où, je veux dire? Est-ce que ça pourrait arriver qu'on te voit même en Monster Energy dans le courant de l'été? C'est une possibilité? Pour cette saison, on n'a aucun plan pour ça. C'est vraiment, je me concentre vraiment sur mon programme Xmedia puis vraiment apprendre. La plupart des pistes, c'est tout le temps mes premières expériences. Mais c'est toutes des nouvelles pistes pour moi. Fait qu'au moins de c'est normalement les gars qui sont à mon niveau qui courent en Xmedia, ils ont fait une saison complète en NASCAR Camping World ou en Cup, ils ont roulé sur ces pistes-là. Mais donc moi, c'est vraiment tout le temps du nouveau à tous les 20 semaines. Donc c'est des bons challenges, mais j'aime ça les challenges. Puis je pense qu'on s'adapte assez vite. OK. As-tu un simulateur un peu comme les recrues en F1? Ouais, j'ai un simulateur chez moi là, c'est comme un. OK. C'est pas la grosse affaire, mais c'est un simulateur trois écrans, c'est réaliste. J'ai pas la motion, mais c'est quand même, j'ai tout le feedback dans le steering, dans les pédales, des affaires là. Tu sais, j'apprends vraiment les circuits, ça m'aide beaucoup avant d'arriver. Je suis pas mal moins dans l'inconnu que si j'aurais jamais fait aucun tour en simulation. Hein. OK. Est-ce que la différence est énorme entre le Pinty's puis l'Infinity? Laquelle la plus grande? C'est sûr qu'en série NASCAR Xfinity, comme je disais tantôt, c'est toutes des nouvelles pistes, c'est toutes des grandes ouais. pistes. Des pistes mais au niveau de la machine? C'est des pistes aussi. On roule des vitesses moyennes, comme la semaine passée, on calcule des vitesses moyennes de 175 000 $ puis en Pinty's, on peut calculer une moyenne de, je sais pas, 80 000 $ sur des ovales. Donc, c'est ça. Les voitures sont plus performantes, les pistes sont beaucoup plus rapides. Donc, c'est une grosse transition, mais... Comme je disais, au moins avec la simulation, c'est tous les outils que je peux avoir. J'ai une bonne équipe alentour de moi. J'ai un bon spotter qui m'aide qui m'éclaire pour près de bien, à m'adapter aux nouvelles pistes. Mais c'est une grosse adaptation, c'est sûr. OK. La course automobile, c'est cruel. On a vu des talents gaspillés, entre autres Andrew Ranger, entre autres Marc-Antoine Camiran. On peut parler aussi de... là, il y a toi, il y a Raphaël Lassard qui monte aussi. Est-ce que tu penses que selon toi, là, les années les plus maigres de la course automobile, c'est maintenant chose du passé? Non, c'est sûr que je pense que c'est de plus en plus difficile. C'est un peu pour ça que je me sens aligné, moi, vraiment, dans le côté stocker. Quand j'ai fini course en karting quand j'étais jeune, je voyais, dans le fond de mon rêve, je suivais bien gros Alex Lagani, Patrick Carpenté, des gars qui coursaient en Champcar, puis Andrew Ranger qui était rendu là avec eux autres. Mais tu sais, un coup, je suis rendu là à mon âge, j'étais rendu là assez vite, course en formule. Au moins, c'est ça qui est le fun du soccer. C'est encore difficile, faut que tu sois vraiment chanceux, tu as des bons partenaires, tu as du monde qui croit à toi, mais au moins, t'as pas mal plus, les chances sont vraiment plus réalistes que de percer en open wheel aujourd'hui. Là. Ben oui, c'est clair. Alex, est-ce que les ajustements d'une voiture, est-ce que c'est compliqué en Infinity ou ça va bien de ce côté-là? Ouais, c'est sûr que c'est assez complexe. Comme je l'ai dit tantôt, les pistes sont tellement rapides. C'est que la manière de conduire la voiture, ça l'affecte beaucoup sur son comportement. C'est des pistes que t'es beaucoup dépendant de l'aérodynamisme. Donc, si tu rentres pas assez vite dans le dans les virages, la voiture ne se comporte pas ne se comportera pas de la même façon que si tu rentres vraiment à la vitesse qu'il devrait. Donc non, c'est sûr qu'il y a tout le temps, c'est de l'adaptation dans le pilotage, puis faut avoir une bonne communication avec notre chef d'équipe. Je suis vraiment content. Moi, mon chef d'équipe, c'est Mario Dassin. Ah ouais, on l'a connu aussi. Il y a de la bourse. Que je travaille avec lui. T'sais, l'année passée, c'était mon coach. C'était la première saison qui était mon coach à temps plein. On a gagné le championnat en Pintis, puis on s'entend super bien ensemble. OK. Es-tu plus à l'aise sur un circuit routier ou un ovale? Tu sais, t'as des gars comme Ron Fellows qu'on a vu en NASCAR qui a fait carrière sur les circuits routiers. On le faisait venir même en sprint à l'époque pour les circuits routiers. Toi, es-tu plus à l'aise sur le circuit routier ou en ovale? Non, c'est sûr. Ben, moi, j'ai plus d'expérience sur les ovales avec les gros autos. J'ai couru trop en short track. C'est ces affaires-là. C'est sûr que j'étais un peu plus à l'aise, mais je suis quand même très, très à l'aise sur des circuits routiers. Moi, ça faisait plus les deux dernières saisons. J'ai coursé les deux dernières saisons à temps plein à Pendy. Je pense qu'on a eu deux pôles, puis on a eu sur les circuits routiers. On est capable, on se débrouille bien, mais c'est sûr que les avages, j'ai eu plus d'expérience, j'ai eu plus de succès. OK. Ça pourrait te donner des chances pour monter à Monster Energy éventuellement, là. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'en NASCAR, tu veux courir à temps plein. OK. Tu te débrouilles très bien sur les avales, mais comme je le dis, d'après moi, j'ai hâte de voir cette année, on a trois courses en circuit routier. Mais je pense qu'on devrait bien s'en sortir. Alex, j'ai demandé à mes auditeurs de s'il y avait des questions par l'entremise des médias sociaux. Je dois te dire de part que je suis très surpris. Je ne m'attendais pas honnêtement que ça allait créer autant de réactions. Je suis content là, parce que normalement, au Québec, on parle beaucoup du plan de Marc Bergevin. C'est à peu près juste ça qu'on est capable de parler. Là. Ouais, ouais. Mais vraiment, là, j'ai été abasourdi de voir les questions des gens. Puis c'est des bonnes questions. Je ne choisirai pas toutes parce qu'il y en a plusieurs. Mais il y en a quand même quelques-unes que je voudrais te parler. Entre autres, c'est Richard Bello, et qui se dit un fan fini de NASCAR, et qui demande quel type de moteur. Il y a trois types de moteurs en NASCAR. Il y a le A, le B et le C. Quand il y a du talent, mais s'il y a un moteur A, les chances de victoire sont faibles. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais mettons, si on peut caractériser ça comme ça, dans le programme A, c'est après, mettons, le meilleur programme, B, C, dans l'ascendant. Mais si nous autres, on est pas mal dans le milieu, je pense qu'on est dans notre programme de moteur, ça se tient environ dans le B. C'est dur à dire, c'est parce que. Comme que je dis, c'est les grosses équipes, les plus grosses équipes sont affiliées avec les équipes de Monster Energy. C'est eux autres qui fournissent les moteurs parce qu'on a les mêmes moteurs qu'en Monster. Donc, mettons, nous autres, on a pas mal de programmes B, pas mal dans le milieu. Je pense qu'on a de quoi quand même de raisonnable, mais c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moteurs que les gars qui se battent en avant. OK. Il y en a un autre qui demande... donc, ça veut donc dire, en passant, que je suis en train d'oublier ça, que c'est une écurie, quoi, on peut te qualifier d'écurie de milieu de peloton? C'est à peu près ouais, ça? Oui, c'est sûr. Je veux dire, on n'est pas affilié avec une grosse équipe d'amateurs, ouais. mais je pense qu'on se débrouille quand même assez bien. Ça fait deux... On a fini 17 et 18e, on est vraiment... Je pense qu'on a vraiment mal les cartes. On s'est battu avec des grosses équipes les deux dernières fins de semaine. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de potentiel. On a encore nos plus vieilles autos. Nos autos neuves, on va les sortir dans les prochaines semaines. Mais non, je pense que ça la regarde bien. C'est vrai qu'on est une plus petite équipe, mais on travaille fort. Il y en a un qui te demande, y a-t-il des chances qu'on le voit à quelques courses en Pintis? Ouais, non, c'est sûr que je mettrai pas un X là-dessus. Je pense que si l'opportunité se présente, si la bonne opportunité se présente, puis j'ai un trou dans ma cédule, c'est sûr que j'aimerais ça revenir en pleine vie, que ce soit en circuit routier ou en aval. Là, c'est sûr que si j'ai une belle occasion, je devrais être là. OK. Donc, il y en a un qui est intéressant, Christian Jacques, qui demande, vas-tu t'ennuyer de ces duels avec Kaden Lapsic en Pintis à l'autodrome Chaudière? C'est quoi la question? Excuse-moi, au début. Demande-lui s'il va s'ennuyer de ses duels avec Kaden Lapsic, ouais. En Pintis à l'autodrome Chaudière. Ah non, c'est sûr. Je pense que, surtout à l'autodrome Chaudière, c'est une piste préférée, surtout en short track. J'ai tout eu des bons résultats là. Puis, moi, puis Kaden, on a donné un bon spectacle les deux dernières années. J'ai gagné en 2016, puis j'ai gagné cette année, mais les deux fois, on a fini premier et deuxième. Je pense que les fans y ont aimé ça. OK. Ben, dérangeons pas plus longtemps. Je sais que c'est une grosse fin de semaine. Tu es arrivé à Phoenix à peu près une demi-heure. Alex, en terminant, comment tu t'attends pour la course de la fin de semaine? Est-ce que c'est positif? Ouais. Oh, non, je pense que bah, réalistiquement, on veut continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de la saison. Je pense qu'on est capable de se placer pas mal dans les mêmes positions pour être opportuniste. Puis en plus d'être opportuniste, je pense qu'on peut on va se rapprocher pas mal du top 15. Mais si on est capable de finir nos courses et de finir sur le tour du meneur comme on fait depuis le début de la saison, je pense que ça va être encore un gros accomplissement. OK. Ben Alex Labbé, très intéressant. On va s'en parler peut-être au milieu de l'année si ça ne te dérange pas pour faire un peu le bilan de ta mi-saison. Parfait, ben, gros merci. Voilà, donc Alex Labbé qui court en série Infinity en NASCAR, la deuxième série la plus importante de ce précieux circuit.